choses avec tout ce que nous avons. Nous voulons te rencontrer. Oh, descends, Seigneur. Okojira ma pinga la la la. Descends et agis dans mon cœur, dans ma vie cette année. Oh, je Nicole, Merci, merci. Merci Jésus. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la présence du Seigneur, tout s'écrit. Ta voix crie. Ta voix crie. Ta force crie. Tes parents crient. Tes enfants crient. Tout ce que tu as crie. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris pour Jésus? Pour Jésus le roi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on a ce pépé à Mikonoé? Alléluia, bonne année. Alléluia, bonne année. Alléluia, bonne année. Alléluia, bonne année. Alléluia, bonne année. Amen, amen. Nous sommes en train de filer par rapport au temps, n'est-ce pas? Tout a mis libéré d'ici là. Mais ton appenda, je bote turipa tiani wakati. Je ton ami pa wakati. Alléluia. Il va quitter chez Bote. Tout ça, vous, Yama Tonacha Palusambo. Toi, tu sabou Balaki Tonacha Mukungu. Tout ça, vous, Banyama Bankoukou Bele Tonacha Inje. Mawazo est tout concentré vers un seul créateur. Ou leur permettre ce matin que tu respires. Dieu seul. Alors ce matin, chez Bote, tu dis Unge Koukoral. Michel, tu n'as pas changé. Je comprends. Alléluia. Alors tu dis unge nabo pamoe. Nabo nashe. Mungu atukuzwe. Na dansi yabo, na dansi yako. Mungu atukuzwe. Na bikelekele biabo, na biako. Ah, je pensais que les mamans sont dans la salle. Est-ce que les mamans de la source sont là ce matin? Gloire à Jésus. Ah, bien-aimé, nous voulons monter. Tu en sais pas capable ton entier. Maman Gloire, tu en sais pas capable. Tourne dans la coupane. Walo Anti. Walo Anti. Il y a des choses que Dieu a fait pour moi. Aïna Bela Rufa Kouako. Peut-être moi c'est l'argent. Peut-être à quelqu'un d'autre c'est le travail. Mouine Payne Massouma Rouesa. Mouine Nair Shindwa. Naoya Tori Shindwa. Bénis le Seigneur. Parce que il y a né, Munga Takotende. Amen, amen, amen. Alors, chez Bote Bandoukou, Léo, Mouturumieko, Naba Malari, Tushimameni, chez Bote, Tumutukuze, Oulana Tumzanaka, Asubuya Léo, Atakotende. On y va, la chorale. Tourne dans la coupanda, Mama Gloria. Pika Mikolo, Aza de Jean, qui célébrait. Batuba kumone, ashaka panga, le Seigneur. On y va. Oui, Jésus. Nicole. Tu qui j'en tue, Il est le Dieu de miracles. Ne manquez pas de mots. Alléluia. Amen, amen. Niko mwenye kubarikiwa. Juu leo ni siku ya kwanza ya mwaka. Je suis dans ma famille. Je suis dans la présence du Seigneur. Na huko mwenye kubarikiwa. Na ule uko pembeni yako ni mwenye kubarikiwa. Alors utashimama, tutashimama, utalamkia ndugu yako, dada. On a souhaité le vœu le meilleur ce matin. Ushache mtu hata moya, s'il vous plaît, souhaitez au mubariki. Sema hii mwaka ikoe mwaka ya mzuri kwako, juu ya maisha yako, juu ya batoto yako, juu ya jamaa yako. Pendant que la chorale s'apprête encore. Umulamukia umusuwete bizuri juu ya imwa. Jomala ya kwanza tunakutana. Siku ya leo, siku ya leo. Ushiko se kubariki. No, le koriste reste, le koriste reste, s'il vous plaît. Le koriste. Bakoriste tudishuwete shibenyewe. Bon année. Bon année. Toutes les bonnes choses. Ah, frère, ça va. Bon année. Bon année. En forme. C'est bon? Bon année. C'est bon. Courage. Et pendant que tourne la moukiana, la chorale, nous entendons un cantique, nous allons encore ensemble monter, à louer, à élever le Seigneur. Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Je disais un cri de joie pour l'Éternel. Nous allons louer, célébrer, danser pour le roi de gloire. Vas-y. Alléluia. Soyez prêts, Dieu, vous faites ta danse et le tabéba. Ensemble pour la gloire du roi des rois, Jésus. Wamakubwa niwe, wamakubwa niwe, tulika. Wamakubwa niwe, wamakubwa ni Bwana Yesu. Wamakubwa ni Mchungaji Yesu. Yesu. Danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, dan pas moi dire. C'est qui dit. Non, entre avec succès. On y va, nous allons le faire ensemble. 1, 2, tiki, aïe, 2026, Azayaba, encore une fois, 1, tiki, 1, et tiki. Oh, wamakuwa niwewe. Préparez. Nous voulons maintenant décoller. Nous voulons décoller comme les aigles. Tikiti. Ah, fais-le bien. Ce que tu peux faire ensemble avec le chorale. Tikiti. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Watch out. 1, 2, tiki. 1, 2. Ah, tu le fais bien. Ça signifie. Dosez. Allez, dosez, musique. Ça signifie. Tu es en train d'effacer tout ce qui est passé en 2025. Tu es en train d'effacer. Efface. Ah. Après avoir effacé, nous voulons maintenant sauter. Efface. Tiki. 1. Ah, papa désiré, effacé. Aïe. Chômage, efface. Maladie, efface. Stérilité, efface. Chômage, efface. Magonjo, efface. Célibataire, efface. Ah, oh, bon, akini, barigi. Taluka kamatai. Yelele. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Un cri de joie pour Jésus. Bon, on ne sait pas faire autrement, n'est-ce pas? Tu as chungia dans singine komuisho. Umanisha ole kupemera kasama chungia komuisho. Tu as toka patai kenzer komuisho yabiote. Amen. Alors nous invitons le pasteur Élisée Kyungu. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Gloire. Amen. Mungu azidi kutubariki. Tutabeba dakika chache juu ya kuweza kuombea yako majamala yetu, manyumba yetu, kanisa yetu na makanisa yetu, na makazi yetu. Et tout ce que nous faisons. Nous allons lire Juges chapitre 6, verset 15. Et nous allons remercier notre Dieu. Juges chapitre 6, le 15e verset, nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, hey, wana wangu. Avec quoi délivrerai-je Israël? Nitaongoa Israël na nini? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Tazama jama yangu ni maskini sana katika Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Na mimi ni mudogo nyumbani mwa baba yangu. Amen. Ah. Bien-aimé, l'année 2025 vient de passer. Wapendwa, hii mwaka inapita. Inapita sasa. C'est pourquoi ce matin nous voulons remercier notre Dieu. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonheurs, le malheur, les difficultés, tout ce qu'on avait enduré l'année passée, c'était pour notre bien. Heri, magumu, tatizo, yotu likutana na yu mwake lipita, yotu likuwa ni kwa ajili ya mema yetu. C'est pourquoi ce matin, niyo mana tena asubuhi ya leo, nous voulons dire Ebenezer. Tunapenda kusema Ebenezeri. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Mpaka sasa, Bwana alitusaidia. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, commencer avec notre première intention de remerciement. Sasa tutanje na shina yetu ya kwanza, ya kushukuru. Nous allons remercier Dieu pour nos familles. Tamushukuru Bwana kwa ajili ya majamala yetu. Tout ce que Dieu avait fait dans nos familles durant l'année 2025 qui vient de s'achever. Ile yote Mungu alifanya kwa majamala yetu kadiri ya mwaka inatoka mkupita. Nous voulons entrer dans la prière. Sasa tunapenda kuingia maombi. Chacun de nous va commencer à remercier Dieu. Kila mmoja wetu ataanza kushukuru Mungu. Les parents vont dire merci à Dieu pour les enfants qui les avaient donnés. Wazazi watasema asante kwa Bwana kwa ajili ya watoto walipewa. Et les enfants vont dire également merci à Dieu pour le parent que Dieu les avait donné. Nous nous inclinons dans la prière et nous allons dire merci à Dieu pour nos familles. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous bénissons ta grâce ainsi que ta fidélité. Merci pour la famille que tu m'avais donnée, Éternel notre Dieu. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants, Dieu de gloire. Tunasema sante tena bab. Kwani kumwa kenya natokia tamu kutoweka 2025. Wetu Mungu ruweza kutuchunga. Wetu Mungu ruweza kutulinda. Wetu Mungu ruweza kutepushia matatizo, misiba na matari mbalimbali. Nerukupendeza tena mfalme wangu asubuhi ya leo upate kutulamusha. Neno lako inasema, le bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont jamais arrivées à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Une fois de plus encore, Éternel notre Dieu, consens mon Rédempteur et mon Sauveur de renouveler tes bontés envers chaque famille qui est présente en ces lieux. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grâce, nous bénissons ta fidélité. Nous te disons sincèrement merci. Accepte, Dieu de gloire, d'accompagner, Éternel notre Dieu, chaque famille qui est présente en ces lieux dans cette nouvelle année 2026. Que ta main nous accompagne, que ta grâce nous soutienne, que ta miséricorde nous couvre. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour nos maisons. Nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu m'avais donné une famille et tu m'avais donné également une maison. Bien-aimé, tout à vunja, yoteneza kuya kazi, mubaya, inyewe, weza kutusindikiza mwake rimanizika, nous allons briser toute mauvaise œuvre qui nous a accompagnés durant toute l'année passée. Nous voulons que cette année 2026, que chaque maison qui est présente en ces lieux, nous puissions confesser comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ainsi que nous allons nous incliner dans la prière et nous allons dire merci à Dieu pour nos maisons. Prions bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu n'as pas maintenant bon à santé. Toute famille tire son origine à Dieu. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, après avoir nous donné des familles, Dieu de gloire, tu nous as encore également donné des maisons. Ikule baba tunenda kubariki kila chumba ya kanisa la chemchem la wazoweza kufika pali hapa. Bariki machumba yetu. Bariki byote binambatana mfano wangu na kila chumba na kwa palikati yetu pali hapa baba. Tunasema asante sababu nakuya Mungu. Tunakatala, tunavunja na kuharibu yote na kwa tena jemadara kama mampepo ya magonjwa, mampepo jemadara wangu nye kutokuwa na umoja na salamu katika machumba yetu. Tunaikatala, nous proclamons ce matin l'unité dans nos maisons, l'unité dans nos familles. Seigneur Dieu de gloire, merci. Accompagne, Père éternel, chaque maison qui est présente en ces lieux. Nous sommes en train de l'imbiber dans le bain de ton sang précieux. Seigneur Dieu de miséricorde, oh, je me souviens ces jours-là. Tu avais dit, Père éternel, arabe, la prostituée, vous mettrez ces fils cramoisis. Et quand nous viendrons, nous ne détruirons pas cette maison. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Nous allons maintenant prier pour nos églises. Nous allons d'abord prier pour notre communauté, district 3 des églises des sources fécondes. Et nous allons prier pour chaque paroisse de l'extension. Nous allons dire ceci à notre Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans nos églises pendant l'année qui vient de s'achever. Et nous voulons maintenant, pendant cette nouvelle année 2026, que Dieu nous soutienne dans tout le planning que nous allons élaborer dans nos églises. Qu'il puisse étendre sa main. Qu'il nous soutienne. La Bible dit ceci. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que lui-même Dieu puisse bâtir les églises des sources fécondes. Nous entrons dans la prière, nous prions bien aimés. Nous allons prier pour les églises. Baba katika jina la Yesu, falme na mkombozi wetu, tunashimama asubuhi za leo mbele ya kiti cha enzi chako. Nikule tunaenda kusema tena asante. Asante kwa kanisa yetu ya chemchemo la uzao. Asante kwa district yetu ya Likasi tua. Asante kwa makanisa Mungu inyeruweza kuweka pembeni ya kanisa munene ya chemchemo la uzao. Nikule tunabariki kila kanisa mfalme wangu. Baba tunasema asante kwa byote ulifanya pamoja nasi kadiri ya mwaka yenye natoweka. Na kule tunaamini asubuhi ya leo ya kwamba mfalme wangu utatembea pamoja nasi. Mahitaji tunakuya nayo ndani ya makanisa yetu, ikiwe mahitaji ya kununua mampango, ikiwe mahitaji ya kujenga makanisa. Mungu ujitukuze, kwani neno lako linasema ta renome s'est accru à cause de l'accomplissement de tes promesses. Nous avons foi en toi. Nous croyons à ta fidélité. Que cette année 2026, Seigneur, tu accompliras tes promesses sur toutes tes églises, source féconde, honneur, louange, puissance et gloire te soient rendues. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour le travail. Que ce soit le travail d'une entreprise, le business, les affaires, tu n'as pas de comme les aoué tout mungu, à tout endéné, ma mungu anyoche mukono yuli amakazi yetu. Que ce soit n'importe quelle activité, que Dieu puisse nous faire grâce et qu'il puisse faire avancer dans nos travaux. Et comment kila mmoja wetu atengia katika maombi. Raison pour laquelle chacun de nous va entrer en prière. Atabariki kazi yake. Il va bénir son travail. Umwelezee Mungu hivi. Tu dis ceci à Dieu. Baba asante kwa kazi uliweza kunipa. Seigneur, merci pour ce travail que tu m'as donné. Nikupitia kazi niko na shikamanisha kazi yako. À travers ce travail, c'est encore fait grâce à ton travail. C'est pourquoi nous allons entrer dans la prière. Nous allons remercier Dieu pour le boulot qu'il nous a déjà donné. S'il peut encore aller au-delà de nous ajouter encore ou de donner des promotions à déjà dans les travaux qu'ils sont en train de faire. Prions bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci ce matin pour le travail que tu m'avais déjà donné. La Bible déclare ceci: c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Écoute baba tuneta kwacha makazi yetu ya mikono mu mikono ya makazi yetu ya kampuni makazi yetu ya biashara. Mungu nyosha mukono kwa ya uwezo, bariki kazi ya kila mmoja wetu, bariki mfano wetu matokeo ya kila mmoja wetu. Bariki mapato yetu. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun de nous. Que ta main nous assiste, que ta main nous soutienne, que ta main nous accompagne, Père éternel. Nous voulons te dire merci. S'il y a des promotions, Dieu de gloire, pour cette nouvelle année 2026, accorde des promotions. Commence à donner de l'élévation, car l'élévation vient de toi. Nous te disons merci. Bénissons ton nom, ta grâce, ta fidélité. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, honneur, louange, puissance et gloire te soient rendus. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je donne le prix. Alléluia. Amen. Tunaweza kufungula macho kiloko pour quelques minutes. Quelques minutes. Nous sommes toujours dans le même livre des juges. Tukopaka mkitabu yetu ya waamuzi. Chapitre 6. Sura yake ya sita. Et le verset 15. Na mustari ya kusoma ya kumi na tano. Chacun peut avoir ça déjà en tête et à l'esprit. La moja, esa kushika nazania hii katika kichwa yake. C'est un thème qui nous a accompagné toute l'année. Kishina kilitusindikiza kadiri ya mwaka mzima. C'est en quelque sorte une plainte de cet homme de Gédéon. Inakwenda na saa ni kunona kwa huyu mtu anafanya mashtaki yake huyu Gideoni. Ou une inquiétude devant Dieu. Maintenant, nous voulons faire l'intercession en faveur de tout ce que le pasteur Élisée venait de citer: la maison, la famille, le pays, le travail. Si toi tu ne pries pas, kama wewe hauombe, le diable va s'occuper de toi. Shetani atashurulikia na wewe. Dieu t'a donné la force. Mungu alikupatia nguvu pour s'éloigner du diable. Juu jitenge na shetani. Je voudrais signaler en passant, napenda kusema tena kwa mpito, que le thème qui vient de se passer là, Dieu nous a préparé pour cette année. Donc ce thème aura l'application cette année. Allez avec la force que tu as. C'est cette année que tu dois déployer cette force. C'est cette année que l'on va te voir sur terrain. Alors pour y arriver, je me souviens dans la Bible, il y a les hommes de Dieu ou Israël qui demande à un homme de Dieu. Ça doit être Ézéchiel. Ils ont dit monte de prière pour nous. Donc Ézéchiel devait monter sa prière en faveur d'Israël. Maintenant là où tu es, tu vas monter des prières en faveur de ta maison, en faveur de ton église, en faveur de ta famille, et voir en faveur de ton pays. Je vais combiner toutes ces intentions. Je vais parler intention par intention. Nous allons prier pour nos familles, tout ce qui nous ont accompagnés l'année passée ne puisse pas traverser. Ça s'est arrêté à minuit. Et aujourd'hui tu es une autre famille. Si tu peux d'abord acclamer pour ta famille. Cette année, nous allons vivre différemment de l'année passée. Avec la force que nous avons eue, ne sois pas comme Gédéon. Dans un premier temps, il voyait que ce qu'il vivait, la pauvreté, la petitesse de sa famille et même sa tribu, Dieu lui a fortifié, lui dit va, car je serai avec toi. Il y a quelque chose que j'ai apprécié de cet homme. Quelque part quand je parlais de lui, je disais qu'il est pour moi ministre de l'économie. Ou soit ministre de la prévoyance sociale. Alléluia. Amen. Oui. Akika. Il savait prévenir la crise. Pendant que les autres étaient découragés, il pouvait se dire à quoi bon de continuer à cultiver, parce qu'à chaque fois qu'on va cultiver, lors de la récolte, Madian va descendre. Il va tout prendre, il va tout piller. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient découragés et qui ne pouvaient plus cultiver. Mais cet homme, est allé vers lui. Il a réuni ses forces. Il était courageux. Il s'est dit cultiver. L'ennemi viendra prendre. Adui atakuya kuchukua mavuno. Ne pas cultiver. Kutokulima tena. La crise est devant ma porte. Ukiwa na njaa itaonekana mbele yangu. Donc qu'est-ce qu'il résolut? Sasa alitenda nini? Je dois cultiver. Napaswa paka kulima. Il a pris courage de cultiver. Basi kuwa na ujasiri ya kulima. Frères et sœurs. Nduku na dada. Cette année, c'est l'année du travail. Ni mwaka kuhusu kazi. Malgré l'opposition, l'adversité, tout ce qui se passe là. Tu vas réunir tes forces. Tu vas te lancer dans le travail. Alléluia. Amen. Puisqu'il est ministre de l'économie, ce qu'il a épargné là, et Dieu l'a trouvé en train de travailler. Il battait du froment. Il était courageux. Malgré l'ennemi qui était devant lui, il était courageux. Il a pris un abri. Là à l'abri là, il travaillait. Cette année ma soeur, cette année mon frère, tu vas aussi t'élever avec la force que Dieu t'a donnée là. Tu vas te mettre au travail. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut se lever parce que c'est l'intercession. Mtu mmoja anza kusimama sababu ni wakati ya uombezi. Je vais demander à tout le monde de se lever. Tunaomba tu basi kanisa mzima tusimame. Nous allons nous aligner en bataille. Tutengia sasa vita. C'est l'intercession. Hii ni uombezi. Dieu te dit. Mungu anasema. Les ennemis là que tu vois, kuona, si tu ne les chasses pas, kama awafukuze, demain ils seront des épines à tes yeux. Kesho batakuya miba mbele yako. Demain ils seront des aiguillons à tes côtés. Kesho batakuya mikuki kubavu yako. Tu dois les chasser. Basi sherti wafukuze. Tu dois les détruire. Baharibishe tena. Tu dois briser. Unapaswa kuvunja. Toute action satanique dans ta Tendo famille. Yote ya kimashetani maisha yako. De Jésus-Christ. Donc nous allons combiner toutes ces intentions. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas intercéder en faveur de ton église. En faveur du travail. Ombea tena kwa ajili ya kazi yako. Ton pays. Na kwa ajili ya inchi yako. Ce n'est pas une intention à négliger. Kanduku haina mashine ya kuweza kuizarau. Nous allons prier pour ce pays. Hakika tutaombea inchi yetu. Dieu nous recommande de prier pour le pays. Mungu anatuagiza tuombee inchi. Pour les autorités. Kwa ajili ya watawala. Frère. Nduku yangu. Quand les églises ouvrent leurs portes. Kama makanisa nafungula milango yao. C'est parce qu'il y a du calme. Ni sababu kuna kuya usalama na ukimya. C'est pas dans les troubles. Kama katika wakati ya fujo. Que l'on pourra bâtir. Hatutaweza kufanya kitu. C'est dans le calme. Ni wakati ya ukimya. Et c'est dans la paix. Wakati ya usalama. Donc chacun de nous va prier. Basi kila mmoja wetu ataomba. En faveur aussi du pays. Kwa ajili ya faida ya inchi. Pour qu'il y ait paix. Ile salama iweko. Calme. Ukimya. Que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Kila mtu afanye kazi yake mbalimbali. La première intercession. Ombezi wetu wa kwanza. Pour ta famille et pour toi-même. Kwa ajili yako mwenyewe na jamaa yako. Donc nous allons faire ce travail. Tutafanya kazi hiyo. Nous allons prier en claquant les mains. Tutaomba tena tunapika mikono. Nous allons le faire pendant 10 minutes. Tutafanya kwa dakika 10. Je ne vais pas arrêter. Hatutasimamisha. Pendant 10 minutes. Paka katika dakika 10. On est en train de détruire. Tuko na haribu. On est en train de chasser. Tuko na tokeza. On est en train de renverser. Tuko na badilisha vitu. Toutes les forteresses c'est du diable. Boma yote ya Satan. Onode. Jina la Yesu. Onode. Jina la Yesu. Onode. Jina la Yesu. Entre maintenant l'intercession. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de m'insurger contre toute action satanique, contre toute action diabolique dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, dans mon pays. J'ai détruit tout ce qui est du diable. J'ai détruit tout ce qui est de l'ennemi. Que la maladie tombe, que l'adversité tombe. Tout ce qui est attaché au diable doit être détruit. Doit être détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, avec la force que j'ai m'emmène rencontrer l'ennemi. Que la pauvreté tombe, que la misère tombe. Au nom de Jésus-Christ, de bénédiction. Qu'elle soit une année de bénédiction. Qu'elle soit une année de vivant. Que la bénédiction de Dieu soit attachée à ma famille. Que la bénédiction de mon Dieu soit attachée à mon église. Que la bénédiction de Dieu soit vraiment pour ce pays. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu qui se lève et l'ennemi se tue. Tu es Dieu qui dit et la chose c'est loi ou c'est fait selon ta dictée. Selon ta dictée. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci votre Dieu. Au nom de Jésus, sois courageux fort. Au nom de Jésus, nous allons nous insurger contre cet esprit de pauvreté. Je dois voir la pauvreté dans sa famille. Nous allons faire tomber cet esprit de pauvreté. Si nous avons trimé l'année passée, mais cette année, il y a la différence. Moïse demande la distinction. Il y a une distinction entre nous, enfants de Dieu, et les nations. Que l'esprit de pauvreté tombe de ta vie, tombe de ta famille. Tu vas chasser cet esprit. Non seulement chasser, tu vas le vaincre au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut entrer en prière? Entrer en prière. Commence à frapper les poings, les mains. Commence à claquer les mains. Claquer les mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté tombe. Que la pauvreté tombe. Que la pauvreté tombe. Que la misère tombe. Que la misère tombe. Dans les puissants noms de Jésus-Christ. Dans les puissants noms de Jésus-Christ. Oui. Oui, il y en a qui souffrent. Oui, il y en a qui souffrent. Il y en a qui sont en train d'être trimés. Il y en a qui savent pas nous aller de Boudouma. Distinction. Oui, nous le vivons. Je suis en train de marcher contre l'esprit de la pauvreté. Oh David, je marche contre toi, au nom de l'éternel. Contre toi esprit de pauvreté. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous allons chasser ou chercher à vaincre l'esprit des morts. Tu étais peut-être dans leur plan. Peut-être que tu n'allais pas faire toute une année. Combien de ceux tu connais sont en train de nous précéder? Oui, ils nous sont précédés. Qu'est-ce que toi tu as fait sasa pour que tu sois là aujourd'hui? La même vigueur que Dieu t'a donné pour l'année 2025. Il est que Dieu augmente. Que Dieu ajoute. Vous combattrez l'ennemi de la mort. C'est un démon de la mort. Nous allons marcher tout à tembea contre cet esprit. David dit, toi tu viens avec des javelots, avec des lances. Tu as tout, les boucliers, les cuirasses. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Tu vas marcher contre cet esprit de mort au nom de Jésus Christ. Est-ce que tu peux entrer en prière? Entre en prière au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus Christ, ose-toi. Tu n'as même pas place dans ma vie. Tu n'auras aucune place dans ma vie. Tu n'auras aucun endroit où tu vas te cacher dans ma vie, ni loin dans ma famille. Tu es mis à nu. Tu es mis à nu. Tu es mis à nu. Tu es livré en spectacle. Tu es livré en spectacle. Tu es livré en spectacle. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Oh Père, je te lève. Je te lève. Je te lève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez réalisé depuis le matin qu'il y avait du souffle dans les poumons. Nous voulons prendre une minute d'acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous disons amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons écouter un témoignage. C'est pendant 3 minutes seulement. 3 minutes seulement. Nous voulons écouter le témoignage. Comment on a témoigné? Amen, amen. Nous invitons notre frère Paul Mouteb. Nous pouvons l'encourager par les acclamations. Pas plus de 3. Alléluia. Jambouenu. Bonne année. Une minute, je veux rendre grâce à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Si je suis ici au devant de ton peuple, c'est parce que tu l'as permis. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, via ce témoignage. Seigneur, que les gens soient touchés par ce que je vais leur dire aujourd'hui et pour toutes les choses que tu as accomplies dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. J'élève ton nom aujourd'hui. Je t'honore comme tu m'as honoré. Amen. Encore 2 minutes. Oui, vas-y, mon frère. Voilà. Moi, je suis un frère de l'Église. Ça fait au moins 4 ans que je suis à l'église Source Féconde. J'ai été baptisé ici le 4 février 2023. Et pendant toutes ces années, j'ai traversé vraiment des situations très compliquées. J'étais vraiment par terre. J'ai subi toutes sortes de déceptions, toutes sortes d'échecs. Mais aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est parce que Dieu m'a béni. Voilà, Dieu m'a béni sur le plan financier. Il m'a donné un travail que je n'avais pas. Par ce travail, j'ai voulu aussi honorer l'Église en lui faisant une offrande de 2 chairs. Anasema juu ya kazi ile Mungu anamupa. Anapenda asubuhi ya leo kutoa. Tunasema Kiswahili bora mimbara. Maana yake share mbiri juu ya kanisa. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Les 2 chairs constituent un symbole pour moi de fidélité. Parce que lorsque j'étais dans des situations difficiles, Dieu a été fidèle avec moi. Et aujourd'hui qu'il m'a béni, je viens aussi l'honorer et je suis fidèle à lui. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, toutes les personnes qui m'ont accompagné, toutes les personnes qui ont été là pour me conseiller, toutes les personnes qui ont prié pour moi. Je ne les oublie pas, ils sont dans mon cœur. Merci. Je rends grâce à Dieu. Merci. Pour ces merveilles. Merci. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais prier pour lui. Mets-toi à genoux. Non, qu'on amène les 2 chairs qu'il a offertes. Il va les tenir dans la présence de Dieu. Et on va prier pour lui. Batuingishie ma chair, il est ikopale inje. Junduku wa ikamate na papa atamuombea. Le protocole, les jeunes gens qui peuvent soulever, aidez-le. Aidez. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Chantons gloire, gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, gloire, louange. Mettez-y à côté. Mettez-y à côté. Louange, alléluia. Oh, gloire, louange, alléluia, chante gloire, louange, alléluia, que tu viens tenir les 2 chairs. Mets-toi au milieu. Tiens le 2 chairs comme ça. Je vais prier pour toi. L'offrande parle. Sadaka inasema. Père, Papa, il n'y a pas eu seulement des paroles. Est-ce que vous êtes un neno? À cause de ce que tu as fait dans sa vie. Kwa ajili ya yulitenda maishani mwake. Il a parlé. Alisema. Et comme Gédéon, kama Gideoni, il a offert. Hanatoa. Comme Manoah, kama tena Mano, il a offert. Hanatoa. Comme Jésus, na kama Yesu, il a offert. Halitoa. Je prie ce matin na homba asubuhi, que cette offrande et ces prières hiyo sadaka na hombi lake, montent vers toi ipande kwako, pour lui donner plus que ce qu'il a demandé. La bonne santé dans son travail. L'intelligence dans son travail. La distinction dans son travail. La réussite et le succès dans son travail. Parce que la Bible me dit, prie l'Éternel, tu auras de la réussite. Et confie-toi dans ses serviteurs. Tu auras du succès. Oh, c'est pourquoi je prie maintenant que le succès l'accompagne. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui cherchent le travail dans l'église. Ce témoignage me fait comprendre que c'est possible. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, un jour Dieu peut le visiter. Comme tu as visité Paul, je prie que tu visites tous les enfants des églises sous ce et que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. N'est-ce pas, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Alors, nous voulons suivre une projection de vœux de notre papa, le pasteur Désiré. La technique, si vous êtes prêts, allez-y. Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et plusieurs sont en train de souhaiter des vœux de bonheur, de prospérité. Mais j'ai senti dans mon cœur que je fasse pour vous une prière. Une prière qui va vous introduire en 2026. Une prière qui va consacrer l'année 2026 dans votre vie. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, toi qui me suis, que l'année 2026 soit une année de grâce, de faveur et de bonne santé. Que le Dieu du ciel t'accorde toutes les bénédictions, que tu découvres les grandes choses dans l'année 2026. C'est ma prière et comme c'est la prière, le Dieu qui écoute la prière, il va se souvenir de toi et de cette prière, ça agira dans ta vie. Que Dieu te bénisse et bonne et heureuse année 2026. Bandoukou, frères et sœurs, Mungu amibariki sana, journée à Léo. Dans quelques heures, tunanza année 2026, nous wakati bantu bana souhaité ma vœu, bantu bana kabula ma cadeau. C'est très bien, nous encourageons cela. Mais mina pena mangaribi à Léo, kufana ma ombi. Na ile ma ombi kusindikise mu 2026. Mungu wangu. Mungu wa Abraham, wa Isaac, wa Jacob, Mungu wa Yesu na Mungu wangu. Akubariki mu 2026, utembe na Mungu. Baraka ikusindikishe mu kila kakintu ka maisha yako. Utembe en bonne santé, utembe prospère, makazi ya kendele. 2026, yuko mwaka ya difference, ilo tona mukono ya Mungu. Na kupitia we, dunia muzima itajua kusema, Mungu ule unaamini anakuwa Mungu wa kweli. Mimi nakuombea Mungu akubariki uingie mu 2026 na baraka yote ya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Acclame dit amen. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, même dans l'église, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors pendant quelques minutes seulement, pas plus de trois, je vais inviter papa Mabanza. Et pendant qu'il s'approche, il va nous exhorter un peu seulement pour les offrandes. Papa Karibusana, nous acclamons pour le Seigneur. Le roi des rois. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Meilleur vœu. Si je me tiens devant vous, parce que bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous pouvons venir adorer Dieu les mains vides. Alors c'est le temps des offrandes. Alors bien-aimés, avant que nous puissions offrir à Dieu, nous voulons lire quelques passages qui vont nous permettre d'être disposés pour servir Dieu dans les offrandes. Alors, je vous invite de prendre vos Bibles et nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne à cœur joie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand tu jettes un regard rétrospectif, nous allons voir que Dieu était avec nous depuis le mois de janvier 2025. Et aujourd'hui nous sommes le mois de janvier 2026. Combien d'obstacles n'avons-nous pas connus? Combien d'embûches n'avons-nous pas eu? Nous sommes tombés malades, parfois des moments de désespérance, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors qu'est-ce que nous allons donner à ces dieux-là? Aujourd'hui c'est le premier jour de l'année. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu vas s'aimer. Ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, nous venons d'entendre ici que celui qui sème peu moissonne peu. Mais celui qui sème abondamment, il moissonnera abondamment. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il nous bénit selon ce que nous faisons pour lui. Alors, mon frère, ma soeur, le temps nous est donné maintenant. On devait d'offrir à Dieu, donner à Dieu. David dit, nous recevons de toi, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Alors réalise, mon frère, ma soeur, que ce que tu as ou ce que tu es, c'est par la grâce. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. Donc je vous invite, mon frère, ma soeur, prépare ton offrande. Parle à Dieu. Dis à Dieu que cette offrande que j'ai semée aujourd'hui, que la prochaine fois que tu te souviennes de moi, que tu te souviennes de moi, et Dieu va se souvenir de toi. Parce que lui il est fidèle, mon frère, ma soeur. Ce Dieu là il est fidèle. Alors j'invite la chorale de s'approcher. Et bien aimé, les offrandes, c'est un culte. C'est un culte parce que Dieu dit qu'il aime celui qui donne à cœur joie. Alors j'invite toute l'assemblée à se tenir debout. nous allons offrir à Dieu en dansant. Parce que nous sommes dans la joie. Bien aimé, il y a des gens qui ont espéré être là aujourd'hui, mais ils ne sont plus là. Alors je t'invite, toi, mon frère, ma soeur, de te tenir debout. Nous allons chanter, nous allons danser et nous allons offrir à Dieu. Et que Dieu fasse notre offrande ce matin un parfait de bonne odeur. Alléluia. Amen. Alors j'invite l'assemblée toute entière de se tenir debout. On se tient debout, nous allons chanter, danser et offrir à notre Dieu selon l'ordre du protocole. Kadiri ya walinda amani vile atatuongoza. Yesa mulolo mulolo mulolo. Vous serez cri de joie. Onani oya leki zambe na monene. Moto moko te aleki zambe na nguya. Onani oya leki zambe na monene. Moto moko te aleki zambe na nguya. Ale zambe monene. Zambe monene. Zambe makasi. Moto moko te aleki zambe na nguya. Ale zambe monene. Zambe monene. Zambe makasi. Moto moko te aleki zambe na nguya. Onani, oya leki zambe na monene. Moto moko te aleki zambe na nguya. Onani, oya leki zambe na monene. Moto moko te aleki zambe na nguya. Ale zambe monene. Zambe monene, zambe makasi. Moto moko te aleki zambe na nguya. Ale zambe monene. Zambe monene, zambe makasi. Yo sali burana, kana presi yo merci koro. Oh no merci, kona maso. Yo sali burana, kana presi yo merci. Oh yeah, yeah merci yeah, kona maso. Yo sali burana, kana presi yo merci koro. Oh no merci, kona maso. Yo sali burana. Yesa bolelo, bina bina bina. Bougez. Venez voir ce que Dieu a fait. Amunishirikie, n'est-ce pas? Nous avons wakati, wakati ni wakati. Amen, amen. Alors nous voulons adorer l'Éternel. Nous fermons les yeux. Leo ni cultise tu ya kwanza ya imwaka. Mina penda useme komi misemo ya sasa juu ya kubariki Mungu vila rifanya na vila atafanya na kile alikuya na kile atakuya tena mu maisha yako. Asubuhi ya leo roho yako hapana tu misemo et ton cœur tes paroles mélangées avec ta force ton esprit ta tes pensées ton cœur ton âme tes sentiments tes émotions yote weka kumpembeni laisse Dieu occuper la première place dans ton cœur en ce lieu, dans ta maison, dans la société, au Congo, au Katanga, à Likasi, en ce lieu, que Dieu soit le premier. Mina penda misemo yako, imupatie Mungu fwashi ya kwanza, dani ya roho yako, pour dire Seigneur, n'y a que toi. Oui, n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Oh, comme bon et joga. Comme bon. La haute retraite. Quand je tombe, il me relève. Yes, Alléluia. Tu peux adorer le Seigneur avec tes mains. Tu peux l'adorer avec tes mains. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chanson. Je voulais qu'on chante ça. Dans ma détresse, je crie à toi. Maman Gloire, peux-tu chanter ces chansons? Oh lo lo lo lo lo. Oh lo lo lo. Ok, allez-y, allez-y, maman. Allez-y, allez-y, maman. Est-ce que tu peux chanter ça dans, avec ton cœur? Alléluia. Ok. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, il est très bon, très bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh merci Jésus. J'ai crié à toi Jésus. Oh, my God. dans ce pot de mon âme, c'est toi qui rémunère. Encore, un. Abri descend en force, ce pot de mon âme, c'est toi qui il vient en nom du très haut. C'est bien lui le chilo, le son précédé, à part les grands de beauté, se sont aveugles, merci et libre. Celui-ci, tu dis, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Est-ce qu'on peut chanter ce moment sans le soin? Dans ma détresse, je crie à l'aide. J'ai crié à l'éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Alléluia. Il n'est pas resté indifférent à toutes mes requêtes. Il m'a pardonné les mots comme le monde fait souvent. Alléluia. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a suivi. Wow. Oh merci Jésus. Il a été fidèle, fidèle. Oh, il a été fidèle toute l'année. Bénis la fidélité de Dieu dans ta vie. Parfois, nous chassons les démons. Oh, Dieu est fidèle. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Mais c'est une prière, ce n'est pas seulement une chanson. Que ça soit une prière pour toi ce matin. Regarde tous les détails de ta vie. Oui, il y a un qui est le fidèle. Même la nuit, il est fidèle. Le jour, il est fidèle. Fidèle na amitié, papa. Okuma moya tongo ponali botananga. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la fidélité de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu a été fidèle. Et il est fidèle. Le Dieu bon, très bon. Oh, merci. Je suis vraiment très content de vous voir ce matin. Et de vous souhaiter mes voeux encore les meilleurs pour vous-même, pour vos familles, pour vos projets. 2026, que ce soit une année exceptionnelle. Alléluia. Amen. Ce matin, je pense que je ne vais pas prêcher. Je vais donner l'essentiel, le thème et l'essentiel du thème. Pour que chacun de nous puisse comprendre la vision que nous allons en 2026. Et je bénis le Seigneur C'est après quand Dieu t'a parlé de quelque chose. Quand tu regardes en arrière, tu as l'impression que non, Dieu continue finalement ce qu'il a dit. Je bénis le Seigneur pour tous les pasteurs qui ont travaillé ce matin. Le pasteur Élisée de notre église de Mivuka. Le pasteur Abdon de Kamatanda. Le pasteur Mabanza de Kampumpi. Pasteur Abdon Kamatanda, pasteur Mabanza wa Kampumpi. Et nous continuons par la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous allons vous annoncer, que nous vous annoncerons toujours. Avec l'aide du Seigneur. Amen. C'est le premier jour où nous donnons le thème. Daniel chapitre 11 verset 32b. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais qu'on nous projette, qu'on nous mette très bien ce verset. Daniel chapitre 11 verset 32b. J'aimerais que nous puissions manger ce thème. Oui, nos amis, tous les versets. Mettez-moi la deuxième partie. Bien sûr, je vais revenir sur la première partie. Je vais donner le message tel que Dieu me l'a donné. Commencez par la deuxième partie, la dernière phrase. La technique. Ok, il n'y a pas de problème. On va lire tous les versets. 1, 2, 3. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On peut reprendre cette phrase. La dernière phrase. 1, 2, 3. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On peut encore reprendre. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Une dernière fois, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, on reste debout pendant 20 secondes. On éteint le tableau. J'aimerais que tu récites ça de mémoire. 1, 2, 3. Effacer, il ne faut pas. Toi aussi. Comme à l'université, là, il y a toujours. Ok. Come on. Technique, attendez. Ok. 1, 2, oh, technique, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. 1, 2, 3. Encore une fois. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Une dernière fois. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Je pense que quand on a récité une phrase comme ça trois fois, c'est rester dans la tête et dans le cœur. C'est comme ça qu'on nous apprenait à l'école, c'est où encore? Quelque part. Le corbeau et les renards, nous, on n'avait pas, on nous arrachait les copies. Les laboureurs et ses enfants, on nous arrachait, il fallait citer de mémoire. C'est ça? Les animaux malades de la peste. Ah, maintenant, on n'étudie plus ces choses. Hein? Ah, c'est ça? On n'étudie plus. Sorry. Enfin, on nous faisait réciter des choses et des choses. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, la technique, vous allez partir avec moi. Je vais repasser très rapidement pendant 5 minutes. Je pense que c'est suffisant, 10 minutes maximum. Les différents points, et puis je vais faire quelques déclarations. pour terminer avant de passer à autre chose. Le thème c'est « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Dans le préambule, j'ai écrit que la connaissance de Dieu est le moteur de l'action. Donc pour agir dans la vie, il faut la connaissance de Dieu. Alléluia. Amina. Moïse a demandé à Dieu qui il était. Musa kamomba Mungu alikuwa nani? Dieu envoie Moïse. Mungu akamtuma Musa. Mais Moïse lui dit, mais je vais partir. Musa kamwambia mtaenda. Je vais dire qui m'a envoyé. Na tasema nani amenituma. Et quand il a connu Dieu, na wakati alimjua Mungu, Moïse était capable d'entrer chez Pharaon. Musa aliweza kuingia ndani ya chumba ya Pharaon. Moïse était capable d'agir. Musa alikuwa na mawezaji ya kutenda. Jésus devant la tombe de Lazare, Yesu tena mbele ya kaburi ya Lazare, il a prié simplement. Aliweza tu kuomba. Il dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux parce que moi je te connais. Anasema si jome, mimi na waombea hawa sababu mimi nakujua. Et sa prière était différente. Na ombi yake ilikuwa ya achanisho. Parce qu'il avait une connaissance différente de sababu Dieu. Sababu alikuwa na ufahamu ya kuachanisho pamoja na Mungu. Ok, l'autre... Le contexte, j'explique rapidement le contexte. En fait, c'est une prophétie. Cette phrase est une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel. La prophétie débute par la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel. Konome Belshazzar. Tamko inanzisha ni wakati ya mwaka wa tatu. Une parole a été révélée à Daniel. Neno ilifunguliwa kwa Daniel. Une prophétie a été donnée à Daniel. Matabiri ilipewa kwa Daniel. Et la Bible me dit que cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Biblia inasema hiyo neno inakuwa ya kweli inatangazia tena paya kunafika. Et Daniel était attentif à la parole. Na Daniel alianza kusikia neno. L'ange lui a donné une parole, il était attentif. Malaika kampatia neno naye hakaanza kuyasikia. Et j'aime le verset 4 14 du chapitre 10. L'ange vient aider Daniel à comprendre la vision et lui dit ceci. Ce qui doit arriver dans la suite des temps. Donc cette vision concerne la suite des temps. Bien aimé, ça c'est une révélation, c'est une prophétie. Et on avance. Je donne le contexte que c'est un message de l'ange qui vient donner à Daniel. Déjà, on constate à ce stade le premier principe. La connaissance se fait en son temps et à une époque donnée. La connaissance vient à un temps donné et à une période donnée. L'autre slide. Allez-y rapidement avec moi. Le principe numéro 2. Kanonia pili. Quand la vie commence à révéler des détails, kama maisha inaanza kufungula vipande vingine, c'est la période des gens qui connaissent Dieu. Ni wakati ya wale watu wanamfahamu Mungu. Qui seront lire les temps et comprendre et prendre de bonnes options. Wataweza kuona ni nini wakati na kuchukua vitu vizuri. Bien aimé, il y a des moments. Kuna kuwa manyakati wapendwa. La différence se joue en fonction de la connaissance. Achanisho inakuwa ni wakati tunakuya na ufahamu. La différence se joue en fonction de la connaissance. Achanisho inakuwa ni wakati tunakuwa na ufahamu. Alors je vais définir la connaissance. Napenda kusemezia ufahamu. C'est quoi la connaissance? Nini imekuwa ufahamu? C'est une réalité de Dieu. C'est connaître la nature de Dieu. C'est la relation avec Dieu. Mais ce que nous voyons, si l'homme peut connaître Dieu, si la connaissance de Dieu est possible, mais cette connaissance est incapable sans une révélation de Dieu lui-même. ufahamu haiwezekane kama Mungu ashitufungulie. Et nous allons voir cette année. Na tutaona mwaka huu. Les personnes qui ont eu la révélation de Dieu. Awa watu walikuwa na ufunuo wa Mungu. On ne peut pas faire une mission. Hatuwezi kufanya kazi. Sans la révélation de Dieu. Kama tunakosa ufunuo wa Mungu. Alors il y aura plusieurs chapitres que nous allons aborder. La connaissance de Dieu comme moteur de l'action du chrétien dans le monde. La connaissance de Dieu comme moteur du service divin. La connaissance de Dieu comme moteur de la victoire sur le royaume des ténèbres. Et la vie de quelques hommes qui ont eu la connaissance de Dieu. Bien-aimés, j'ai donné quelques exemples de la vie de quelques hommes qui ont eu la connaissance de Dieu. Il y en a plusieurs, la liste n'est pas exhaustive. Steve. Vous voyez Marie au noce de Cana. Personne ne connaissait qui était Jésus. Seulement Marie. Quand le vin manque, Marie, parce qu'elle connaissait Jésus, elle va suivre Jésus pour dire qu'ils n'ont pas de vin. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on peut obtenir que si l'on connaît Dieu. Et même la prière qui est efficace, c'est celle qui vient d'une révélation de la connaissance de Dieu. Donc c'est une année où nous devons prier, chercher la connaissance de Dieu. On a vu Marthe et Marie. Quand leur frère est malade et il est mort, ils n'ont pas écrit au médecin. Elles n'ont pas appelé le voisin. Elles ont écrit à Jésus pour dire que Lazare, ton ami, notre frère, il est mort. Il est malade. Quand Jésus vient, Jésus dit, non, il sera ressuscité. Et répond que nous savons qu'il sera ressuscité le dernier jour. Ils avaient une connaissance qui ne permettait pas une action immédiate. C'est comme ça que Jésus leur a dit, je suis la résurrection et la vie maintenant. Quand ils ont compris cela, la connaissance a libéré le miracle. Oh, cette année, la connaissance que tu as va libérer de grands miracles dans ta vie. Alléluia. Élisée devant les prophètes. David devant Goliath. David a refusé tout ce que Saül lui a donné. Il dit non, je connais mon Dieu. Depuis la brousse, je connais ce qu'il faisait. Jésus devant la tombe de Lazare, on en a parlé. Paul pendant le naufrage, il a eu la révélation de l'ange de Dieu. Il a dit aux gens qui avaient des problèmes, qui étaient tristes, il dit non, mangez. Mangez, personne ne mourra. Donc la connaissance de Dieu nous donne un autre comportement dans des moments difficiles. Mais c'est très important. Ici je donne des éléments de base qui vont nous aider pendant toute notre année 2026. Et on va revenir maintenant sur, remettez-moi le verset. Je donne l'essentiel. Je plante le décor. Et nous allons travailler ensemble pendant toute cette année. Mettez le verset 32 de Daniel chapitre 11. La Bible dit qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Les traîtres de l'alliance seront séduits. Mais est une conjonction de coordination. Lakini inaambatanisha. En tout cas, est-ce qu'on peut applaudir pour Myriam? Je me disais, quand je traduisais une conjonction de coordination, ça va se passer comment? Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est une conjonction de coordination. En fait, elle introduit une opposition. Donc, il y a les traîtres de l'alliance. Et puis, on dit, il y a mais. C'est-à-dire que même quand il y a des traîtres, même quand il y a des gens qui refusent l'alliance de Dieu, quelque part, Dieu se préserve un reste des gens qui gardent l'alliance. Et je prie le Seigneur que 2026 soit pour les gens qui gardent l'alliance de Dieu. Alléluia. C'est comme on dit, il est intelligent, mais paresseux. Donc, ça c'est un exemple pour expliquer la conjonction. Bon, on n'est pas en français, il n'y a pas de souci. Remettez-moi toujours le verset. Ça, on va donner après. Répétez le verset. Donc, il ne séduira pas de flatterie les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, pendant l'année 2026, nous allons analyser le premier concept, l'opposition. Mais, donc il y a des moments difficiles sur la terre. Il y a toujours des gens que Dieu garde après. On dit ceux du peuple. Donc ce n'est pas tous les hommes. Il y a une partie. Bien aimé, la victoire dans la vie, les choses de Dieu ne se font pas avec tout le monde. Ne vis pas ta vie en fonction de tout le monde. Il y en a qui ont trahi l'alliance de Dieu, mais il y a toujours un reste. Bien aimé, parfois on dit au Congo, non, tout le monde est comme toi. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Il y a toujours des gens qui gardent l'alliance avec le Seigneur. On dit ceux du peuple. Donc, une partie du peuple. Ceux-là qui connaissent leur Dieu. Donc Dieu, on peut le connaître. La différence avec ceux qui ont trahi. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ceux qui résistent, ce sont les gens qui connaissent Dieu. Mais un des grands problèmes dans la vie, je ne parle pas seulement de la vie chrétienne, dans la vie, c'est que nous faisons des choses sans la connaissance de Dieu. Nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas aller loin si tu sers un Dieu que tu ne connais pas. Même Paul sur le chemin de Damas, quand il est tombé, il est resté aveugle. Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il s'arrête. Et puis il dit, qu'est-ce que je dois faire? On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Deux hommes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Les échecs viennent du fait que nous sommes accompagnés des gens que nous ne connaissons pas. Et Jésus a dit à Paul, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. D'abord la connaissance, et puis tu feras. Faire, c'est un verbe d'action. C'est pourquoi on dit, ils agiront. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront. Mais pas simplement avec fermeté, avec assurance. Les chrétiens, nous manquons l'assurance. Parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Oh, cette année, Dieu nous a donné un thème qui va nous révolutionner. Un thème qui va nous demander à puiser pour chercher à connaître Dieu. La connaissance de Dieu ne vient jamais de l'extérieur. Comme Adam et Ève. Dieu savait le moment où il devait connaître certaines choses. Mais le serpent s'est interposé. Il dit, mais Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous connaîtrez la vérité. Vous serez comme lui. Quand ils ont entendu connaissance, ils étaient pressés. Non, bien aimé, la connaissance en un temps, la connaissance vient de Dieu. Alors, comme c'est de 2026, je vais lire, je vais terminer avec 6 déclarations. Le reste, nous allons commencer la prédication le dimanche. Je termine avec 6 déclarations ce 1er janvier 2026. Déclaration de foi numéro 1 pour l'année 2026. Ta connaissance de Dieu te permet de vivre une vie au-dessus des influences de ce monde. Je reprends. Ta connaissance de Dieu te permettra de vivre une vie au-dessus des influences du monde. Il y en a qui étaient séduits par des flatteries parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils sont tombés dans la séduction. Nous tombons dans la séduction parce qu'on ne connaissons pas Dieu. Nous trahissons l'alliance parce qu'on ne connaissons pas Dieu. La connaissance de Dieu te permettra de vivre une vie au-dessus des influences de ce monde. Ça, c'est la première déclaration. Et j'aimerais que tu retiennes cela. Plus tu connais Dieu, plus tu seras au-dessus des influences de ce monde, des influences de la terre, des influences de ta nature, parce que tu connais Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette première déclaration? Oh, alléluia. Déclaration numéro 2. Ta connaissance de Dieu te permet de jouir de ton alliance avec Dieu dans ce monde. Frères et sœurs, ta connaissance de Dieu te permettra de jouir de l'alliance. L'alliance existe, mais plusieurs ne jouissent pas de l'alliance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Oh frères et sœurs, n'écoute pas ton corps, n'écoute pas le monde extérieur. Ton corps, ce n'est pas toi. Ton corps, ce n'est pas toi. Même s'il est malade, même s'il a des problèmes, mon corps n'est pas moi. Mon corps, c'est seulement une maison que Dieu a utilisée pour que moi j'habite là-dedans. C'est une maison qui t'habite. Alors ne permets pas que la maison t'influence. Mais pour cela, il faut connaître. La connaissance de Dieu te permettra de jouir de l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir dans ta vie. Il y a des choses que tu dois recevoir. Il faut connaître le Seigneur. Troisièmement, La connaissance de Dieu. Oh, ça c'est très fort. Je le dis, je lève ma main devant le Seigneur. La connaissance de Dieu détermine le standard de la vie que tu vas mener. Je reprends. Plusieurs prient. Il se demande pourquoi ça ne change pas. On va dans les montagnes en brousse. On construit même des montagnes, des maisons. Ici, si on prie, nous avons fait des veillées de traverser. Quel est le standard de notre vie? La connaissance de Dieu que tu as, que toi tu as, va déterminer le standard de ta vie. Frères et sœurs, le standard de ta vie dépend du niveau de ta connaissance. Le niveau de ta vie dépend du niveau de ta connaissance. Plus tu connaîtras Dieu, plus ton standard sera élevé. Oh, Dieu est bon. Tout est là. Quand tu arriveras au ciel, tu vas pleurer. Parce que Dieu t'a dit, je vous ai tout donné. Vous êtes venu vous plaindre. Nous, Congolais, à l'Ikasi, à la source, non seulement tel, seulement tel. Dieu a dit, la connaissance est là. Frères et sœurs, la connaissance détermine le standard, le genre de la vie que tu vas mener dans ta maison, dans ton couple, dans ton ministère, dans ton travail. Ce n'est pas un problème de monde des ténèbres. C'est un problème de la connaissance de Dieu. Alléluia. Amina. Quatrième déclaration. Dans le verset, on nous a dit, il séduira les traîtres de l'alliance. Alors, il y a une bonne déclaration. Ne laisse pas le monde extérieur imposer des doctrines humaines, des influences extérieures dans ta vie et sur ton corps. Armé de la connaissance de Dieu, ne permet plus au monde extérieur d'imposer ses doctrines, d'imposer les influences extérieures et même de dicter ton corps. Quand tu connais Dieu, il y a des choses que tu peux voir. Mais tu dis non, non, même si je vois, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand il arrive la nuit, si les ténèbres commencent dans sa vie, il fait des prières d'autorité. Comme j'ai dit, des prières faciles. On prie, on chasse les deux. Mais dans les ténèbres, une façon simple de chasser les ténèbres, c'est de faire quoi? Faire quoi? Allumer la lumière. Tu vois l'interrupteur, tu allumes et tu vois clair. Mais il faut connaître où se trouve l'interrupteur. Beaucoup de gens continuent à tourner dans les ténèbres. Ils ne voient même pas, ils ne savent même pas qu'il y a des interrupteurs qui existent. Armés de la connaissance de Dieu, ne laisse pas le monde extérieur imposer ses doctrines. Le problème ici, c'est que les chrétiens ne marchent plus avec la connaissance de Dieu. Il y a la connaissance des réseaux sociaux. Frère, c'est bien, mais ça va limiter le standard de ta vie. Ça va limiter le standard de ta vie. Le monde est très subtil. Il nous bombarde les choses sur les réseaux sociaux pour t'empêcher de faire certaines choses. Je croisais quelques personnalités. Qui m'ont dit, écoute Désiré, le matin je ne peux pas me réveiller consulter tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on raconte. J'ai des choses à faire chez moi. J'ai des choses à faire avec ma femme, avec mes enfants. J'ai des plans à faire. J'ai déjà fixé des heures où je peux consulter. Frère, tu te réveilles avec le réseau. Tu marches avec les casques. Tu dors avec les casques. Tu fais tout. Non. Ça va dicter le mode de ta vie. Cinquième déclaration. Une bonne connaissance de Dieu amène à des actions. On ne peut pas connaître Dieu sans agir. Tu agiras dans tous les domaines de ta vie où tu connais Dieu. C'est comme ça qu'on a dit connaître Dieu et agir. Une bonne connaissance amène toujours à agir. Quand quelqu'un connaît Dieu, il ne va pas se taire. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront. Il faut agir. Moïse a agi. Joseph a agi. Abraham a agi. Jésus a agi. Paul a agi. Pierre a agi. Quand ils ont compris, Seigneur, sur ta parole, nous agissons. Frères et sœurs, si tu connais Dieu, il y a des choses qu'on ne te demandera plus. Tu agiras. Et la dernière déclaration, la connaissance de Dieu donne de l'assurance dans la vie. Alléluia. La connaissance de Dieu donne de l'assurance. Donne de l'assurance. Un jour, un pasteur expliquait cela. Ils sont partis à un endroit réputé plein de sorciers. Et la nuit, on les réveille, on lui dit, tu n'entends pas sur la toiture ce qui se passe. Il se réveille, il pose la question, c'est quoi? Il dit, non, il y a des choses, apparemment c'est des sorciers. Il dit, non, laissez-moi dormir encore parce que moi, je n'ai pas de problème avec eux. Il était sûr de son Dieu. Mais parce qu'il le connaissait. Frères et sœurs, nous sommes là tous, mais nos standards sont différents à cause de la connaissance de Dieu. La foi est une action de la connaissance de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc en fait, ce qu'on entend et la parole nous donnent la connaissance de Dieu. Ceux des sources fécondes, ceux du peuple dans ce monde qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connais ton Dieu, tu agiras dans ta vie, tu agiras dans ton mariage, tu agiras dans tes business. La connaissance de Dieu te mettra au-dessus de tes semblables. La connaissance de Dieu te donnera un autre standard dans la vie. La connaissance de Dieu te donnera de l'assurance dans la vie. La connaissance de Dieu fera que même s'il y en a qui seront séduits par des flatteries, qui vont abandonner l'alliance, mais toi tu vas poursuivre ton chemin parce que tu connais Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu dis que non, demain Dieu va faire. Au bout du chemin, il y a la vie éternelle. Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, il y a une solution. Si les années peuvent changer, Dieu peut changer tout. Parce que la Bible me dit encore dans Daniel, le chapitre 2, verset 21, qu'il change le temps et les circonstances. Voilà notre thème de l'année. Et ça, ça nous permet de méditer sur tout le livre de Daniel. Le contexte du livre de Daniel. De méditer le chapitre 11 de Daniel. En fait, le chapitre 11, c'est la suite du chapitre 10. Et pendant ce temps, ce n'est pas la prédication, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. J'ai eu à essayer de, et je continue encore à étudier, comprendre le chapitre 10, 11 et tout le livre de Daniel. Un livre merveilleux. Un livre merveilleux. Une révélation extraordinaire. Il n'y a qu'un homme comme Daniel qui peut dire au roi, sache au roi que je ne veux pas t'adorer. Je méditais ça, je me suis dit, mais comment quelqu'un se défend le roi? Mèdes et Perses, ceux qui ont étudié dans l'histoire, le roi de la toute puissance. Il dit, roi vit éternellement. Mais je ne veux pas. Je sais que mon Dieu me délivrera. Et même s'il ne me délivre pas, je reste fidèle. Après, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça, oh, en fait, c'était un homme décent comme nous. Il est né d'une femme et d'un homme. Il a mangé les légumes. Donc, Aranzakura Lengalenga. Daniel, Aranzakura Lengalenga, sa ami. Daniel mangeait les amarates comme moi. Mais devant le roi, il dit non, non. Même si Dieu ne vient pas, je ne t'adore pas. Le roi a piqué de colère. Mais après, il a dit, le seul Dieu que je connais, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a pris les autres comme à l'époque. Il a transformé leur maison en un tas d'immondices. Donc, ma zembenazaza ma nyumba. Banaweka pour quoi dépotoir et malade bichi bana choma. Et il a dit, dans mon royaume désormais, le seul Dieu qu'il faut adorer, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Le monde n'adore pas notre Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous prions beaucoup d'exercices sans connaître Dieu. Bien-aimé, Ça, ça va au-delà des émotions. Ça va au-delà des petites sensibilités. La connaissance est profonde. Elle est progressive. Elle coûte cher. La connaissance coûte cher. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois lire la Bible. Elle vient du contact avec le Seigneur. La connaissance vient du contact. Donc de la prière. La connaissance vient de la révélation de Dieu lui-même. La connaissance vient aussi de la nature. Dans Romains, Paul il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Sont donc inexcusables. Mais quand vous lisez ce texte de Paul au livre, dans le livre de Romains, il dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Romains chapitre 1, verset 19. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens répouvré pour commettre des choses indignes. Voilà la suite. On verra dans la suite. C'est important. Vous voyez, quand on ne connaît pas Dieu, on tombe de l'autre côté. Homme avec homme. Femme avec femme. Les hommes avec les animaux. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Bien-aimé, la connaissance de Dieu est révélée par la nature. Ici, ce que j'allais dire, c'est que Paul, il nous dit que la nature nous enseigne ces choses. Connais Dieu. Connais Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Au moins chacun a retenu l'essentiel. Et soucie-toi de connaître Dieu. Cette année, nous avons le souci de connaître Dieu dans notre église. Dans votre famille, dans votre maison. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? C'est toujours comme ça, le premier jour, le thème paraît un peu difficile, il n'est pas difficile. Le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous aider. Mais ce n'est pas aussi un slogan. C'est un travail. Lève ta main là où tu es assis. Je vais prier pour toi. Je veux prier pour que Dieu nous aide à le connaître. Seigneur, je prie. Je prie ce matin face au défi. La solution. Tu nous dis de te connaître. De te connaître, Seigneur. Nous nous sommes occupés des défis. Des blessures. Que de nous occuper de connaître tes voies. Dans Nombre chapitre 21, Israël est mordu par des serpents brûlants. Ceux qui s'attachaient aux serpents mouraient. Mais ceux qui avaient la révélation qu'il fallait lever les yeux vers le serpent qui était sur le bois, conserver la vie, la révélation de ta connaissance nous donne la vie. Je prie pour ton peuple, non seulement ceux qui sont ici, toi qui me suis, connais Dieu, ta vie va changer. La connaissance de Dieu élève quelqu'un au standard de Dieu. La connaissance de Dieu guérit les maladies. La connaissance de Dieu te met au-dessus de tes semblables. La connaissance de Dieu t'introduit dans l'alliance divine. Oh, ce matin, je prie que tu connaisses Dieu. Que tu connaisses Dieu. La connaissance de Dieu va t'amener à agir. Il y a des choses qui vont bouger dans ta vie avec la connaissance de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. La connaissance de Dieu donne de l'assurance. Là où tout le monde pleure, là où tout le monde doute, Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Levez la main. Vous allez traverser. Ta vie est appelée à changer aujourd'hui. C'est l'année de l'action. Connaître Dieu et agir avec fermeté. Connaître Dieu et agir avec fermeté. Seigneur, merci. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Je te bénis ce matin. J'élève ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc voilà notre thème de l'année. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je prie que tu sois de ce peuple-là, des gens qui connaissent Dieu. Et cette année, nous allons travailler, bien aimé, c'est un travail. Plus tu connaîtras Dieu, nous allons agir. Et vous comprenez pourquoi Dieu nous a dit l'année passée, va avec la force que tu as. Tout ce que nous avons emmagasiné, nous emmagasinons, c'est pour connaître Dieu. Et quand nous connaissons, nous agissons. Nous agirons parce que nous connaissons Dieu. Amen. Regarde celui qui est en face de toi. Dis-lui le thème. Récite, dis-lui, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. On a déjà donné des offrandes, on a déjà suivi des témoignages. J'aimerais donner quelques communiqués. Avant de donner des cadeaux, j'avais dit un jour, je ne sais plus quand, que chacun devait donner des cadeaux à quelques personnes. C'est ça? Tu étais là, Myriam? David, tu étais là? Bon, ce n'est pas grave. On peut adresse à quoi? Donne-lui ton adresse. On n'y pas adresse, je viendrai chercher. Mais c'est toujours bien de donner un cadeau. Donne une carte. Ce matin, ma fille m'a donné une carte. Elle a écrit des mots. Wow. J'ai dit que Dieu te bénisse, Light. Je ne sais pas que vous cherchez. Parfois vous cherchez des cadeaux, compliqués. Hein? Je donne d'abord les communiqués. Parce que nous allons prendre un temps de donner les cadeaux. Moi aussi je vais donner quelques cadeaux. J'ai eu à cœur d'abord de bénir les pasteurs avec qui je travaille. Dans la vision. Donc j'ai prévu, je crois, 6 cadeaux pour les pasteurs. Et j'ai choisi XY selon que Dieu m'a mis à cœur. Vous savez, un jour on pose la question à Paul. C'est toujours dans le livre de Romains. Il dit non, Paul, il dit c'est simple, mes amis. Ça dépend de l'élection. C'est Dieu qui choisit. Pourquoi il a choisi Israël? Pourquoi Dieu n'a pas choisi le Congo pour que nous soyons son peuple en propre? C'est Dieu. Alléluia. Amina. Donc, comme nous sommes là tous, je voulais donner quelques communications importantes pour la marche de notre district de Source Féconde. Et j'ouvre une parenthèse pour que demander à toutes les mamans si demain, vendredi à 17h, nous pouvons nous retrouver pour 45 minutes. De 17h à 18h45, si vous respectez le temps, ça sera une bonne chose. En fait, nous allons voir comment changer notre façon de travailler. Le district, nous le divisons encore en stations. District, nous le divisons encore en stations. En station, c'est ma tout station. Mon station. Station, c'est ça. Station, c'est pas en swahili comment on dit. Station, c'est plus simple. Alors, je regroupe les églises 2 à 2 pour les stations. Et puis très bientôt, ça sera des stations de 3 églises, selon que Dieu permettra. Donc la première station, c'est j'ai demandé de savoir le nord c'est où, le sud c'est où, Alikasi, l'est c'est où, je ne sais pas très bien. Ok, Kamatanda et Kampumpi, Kamatanda na Kampumpi constituent la première station. Il n'y a pas station ya Kwanza. Mivuka et Jolicite, la deuxième station. Mivuka, Jolicite, il n'y a pas station ya Pili. Nous allons continuer à évoluer au fur et à mesure. Tout a endelea ku iku, paka ivi pole pole. Les églises fonctionnent normalement. Comme on a toujours fonctionné. Mais les stations se réunissent tous les 40 jours. Dans un premier temps, tous les 40 jours. C'est-à-dire que nous sommes le 1er janvier aujourd'hui. 40 jours après, donc vers les 10 février, le 9 et 10 février, on va regarder. Les stations vont se réunir. Les deux pasteurs, Kampumpi et Kamatanda. Et dans un premier temps, nous commençons avec les comités des mamans. Et quand je vais terminer avec les hommes et la JPC, nous passerons aussi à cette étape-là. Donc, 40 jours après, les stations se réunissent. 40 jours, Kisha et ma station Makanisa. Et deux mois après, c'est le district. Na miezi mbili, Kisha inakuwa ni ma district. Le district s'est réuni. District nayo itakutana. Donc, les comités de maman fonctionnent normalement. Comité ya wamama inatumika. Les stations, c'est pour créer une certaine proximité. Ma station inakuya tu ni kuumba ku une certaine proximité pour nous aider à bien faire le travail. C'est comme ça que nous avons créé des stations qui existent d'ailleurs dans notre règlement intérieur. De la 45, mais nous implémentons au fur et à mesure. Et à mon niveau, j'ai choisi quelqu'un qui va s'occuper des mamans au niveau des stations. C'est Mama Godé Mboui. C'est-à-dire que chaque fois, elle passera pour se rassurer que les stations, chaque 40 jours, donner la date, elle va passer. Nous voulons que les mamans se réunissent, prient. Les stations, c'est vraiment la vie spirituelle. La vie spirituelle. C'est cela qui sera traité en station. Et les offrandes restent à la station. Donc, ce premier tour, ça reste là. Deuxième tour, ça reste là. Les offrandes restent à la station. Les restes, on va parler comment on va travailler. Maintenant, deux mois après, c'est le district. Le district se réunira tous les deux mois. Comme nous avons cinq églises, au moins on aura fait la rotation. Et au niveau du district, j'ai mis Maman Fifi Kage qui va s'occuper comme responsable des mamans du district. Elle sera entourée de vice-présidentes de toutes les églises pour faire le travail. Donc nous allons en parler demain avec les mamans, soyez là. Donc je vais donner les détails de tout, qu'aucune maman ne s'absente. Il y a même de ce que vous appelez jeunes mamans, tout le monde est dans le comité. Tout le monde a un travail. Donc soyons là, nous les mamans, demain à 17h juste. Et elle sera entourée de mamans avec qui elle va travailler au niveau du district. Comme le principe du district reste, chaque réunion, les mamans, chaque église s'amène avec 50 000 francs. 40 000 restent. C'est ça? 40%. 40% restent à l'église où elles se réunissent. 50% au district. 10% à la station. Donc c'était 60%. Donc j'ai pris les 10%, j'ai mis à la station. Donc ça, on verra avec les mamans et vont poser des questions demain. pour que les choses soient beaucoup plus claires. Ça, c'est la première organisation que nous faisons. La deuxième organisation, c'est la diaconie. La diaconie est différente des diaconesses. Les diaconesses, c'est les mamans qui sont responsables du département des mamans. Nous en parlerons demain, les présidentes, les vice-présidentes. De toutes les commissions, les mamans conseillères et les femmes des serviteurs, femmes d'anciens, femmes des diacres. On les appelle diaconesses tutabaombea tutapapakala mafuta. Ça, c'est des diaconesses. Mais la diaconie, elle est plus large. Il y a des diaconesses qui ne sont pas dans la diaconie. La diaconie prend les personnes qui travaillent. Action. Production et résultats. C'est ça la diaconie. Alors, je pense, j'en parlerai aussi demain. Ici à l'église, la diaconie prend et les hommes et les femmes. Je donne le cas pour la source féconde ici. Que dans l'équipe de diaconie que je suis en train de constituer, il y a le frère Guy Seba. Il travaille. Va là-bas, construisez là-bas, fais ceci, il travaille. Le frère Elvis, il travaille, il fait ceci, il veille ceci, il arrange ça, il monte dans le plafond. Il y a Serge Chimwanga, il est en repos, Serge monte dans le plafond, fait ceci, Jules. Jules, c'est des exemples que je donne. Hein. Donc, il y a Pacifique, il y a Maman Albertine, les gens de Social, Maman Alliance, Léo, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, Maman Tété Magila, qui s'occupe des VIA. Il y a les gens qui vont à la maternité, il y a des gens qui sont partis, qui vont chez les orphelins, prison. Voilà, ça c'est la diaconie. Il est Joe Inakua diaconie. C'est différent des diaconesses. Donc la diaconie, c'est les pasteurs, on en a parlé hier. Donc il faut en tenir compte, les gens qui travaillent. Chaque pasteur connaît les gens qui travaillent. Et alors quand vous allez terminer dans chaque église, on fera maintenant diaconie au niveau du district. Mais jusque-là, le frère Guy. Il fait ce job-là au niveau du CIS. Mais à l'église, je vous ai cité les exemples des gens qui sont dans la diaconie. Donc, il y a des anciens qui sont dans la diaconie. Par exemple, l'ancien Elvis, il est dans la diaconie. Il y a des diacres qui sont dans la diaconie. Il y a des diaconesses. Sa femme sera dans le comité des dans l'équipe des diaconies, dans le département des diaconies. Donc, des gens qui travaillent, voilà. Donc, j'en parlerai demain aux mamans. Et je vais parler le dimanche après le culte, je vais rester avec les hommes et les frères pour parler aussi du département des hommes et des frères. Donc voilà notre programme. Troisième chose, le dimanche, nous avons l'après-midi une conférence des filles. Je vois ici des filles, des jeunes sœurs, mais nous allons faire ça à la perle pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler du secret de la réussite dans la vie. Donc envoyez-nous les sœurs. Je travaille avec l'équipe de Maman Gloria, Maman Marise et qui encore Inès. Elles sont à trois. Et Maman Charlotte Berzani comme conseillère. Voilà l'équipe de ces quatre mamans avec qui on travaille pour les sœurs. Donc nous aurons à donner quelques exhortations. Et nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler de l'hygiène corporelle des sœurs et des filles. Et puis il y aura des chansons. Il y a des orchestres qui vont chanter. Et nous allons manger. Il y aura un buffet. Il y a même un dress code, c'est ça? Maman Gloria m'a dit il y a un dress code. C'est quoi le dress code? Rose blanc. Rose blanc. Mais moi, vous voulez que je sois vraiment en dress code? Hein? C'est vrai? Merci de m'épargner. Ok, voilà. Rose blanc, c'est ça? Rose blanc. Donc voilà, les sœurs ont choisi ça. Venez, jeunes sœurs. La jeunesse, c'est de combien? Jana inanzia kwa miaka. Hein? Deux? Ce n'est pas de 7 à 77 ans. La jeunesse. Ok, donc on invite toutes les jeunes sœurs, venez. Et ça sera une occasion, vous vous familiarisez, vous vous souhaitez les vœux, il y aura des échanges de vœux. Voilà, et puis il y aura un buffet, il y aura de la musique, il y aura tout ce qu'il y aura. Les frères et les papas, dimanche après culte, nous restons avec vous parce que j'ai beaucoup de choses à parler avec vous, à organiser le comité des hommes adultes et le comité des frères. Et j'ai trouvé que c'est dimanche après les cultes. Déjeuner déjà, Boussoubouille, faites comme moi, Kouratou bouille bien dans Kalanga. Tu auras un peu d'énergie, nous allons traîner un peu. Ça va nous prendre une heure. Nous allons organiser ça et après nous allons nous séparer. Voilà tous les détails. Et ce qui va me permettre que dimanche matin, je vais prier pour les serviteurs de cette église. Donc je vais prier pour les diaconesses parce que demain on va en parler. Et je prierai aussi pour les frères et les chefs secteurs. Il y a des gens qui travaillent, on n'a jamais prié pour eux. Les évangélistes, ceux qui nettoient ceci, je vais prier pour tous ces gens. Chaque église me donnera le programme et je ferai le tour dans chaque église pour prier. Et je proposerai aussi probablement des nouveaux diacres, de nouveaux anciens pour démarrer 2026. Donc voilà, nous sommes en train de prier. Vous priez aussi pour moi. Le travail a commencé et on doit foncer. Voilà tous les communiqués. Je ne sais pas si j'ai oublié un communiqué. Pasteur, est-ce que j'ai oublié un communiqué? J'ai oublié quelque chose. Ce qu'on a dit hier. Vous dites, c'est tout, hein. Je crois que je n'ai pas, j'ai pas oublié. JPC, on verra. Je n'ai pas redonné le programme. Je pense que dimanche, je vais donner le calendrier des activités. Je n'ai pas fini, je me suis arrêté au mois de septembre. Donc, il me reste octobre, novembre, décembre 2026. Donc demain, samedi, je peux terminer. Donc dimanche, mon calendrier sera complet. Et je peux donner pour toutes les activités 2026. Même les réunions des stations, même les réunions des districts des mamans, je vais donner les programmes. La PAC 2026, c'est le 5 avril. La PAC 2026, c'est le 5 avril. Donc c'est tout de suite. Donc en fait, on n'a que 3 mois. Pour faire déjà la Pâque. Donc vous comprenez que voilà, nous devons travailler. Et le mois de mars, c'est le mois des mamans qui se termine En fait, dans la Pâque. Donc, ça signifie que cette année, réfléchissez différemment. Donc, demain, faites-moi déjà des propositions. Moi, je connais parce que je travaille déjà sur le calendrier. Ce qui fait que il y a des choses qui devront être bougées. Voilà, il faut rentrer vite à la maison. Aujourd'hui, il y a une autre guerre que nous allons mener tantôt là. Pour manger. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Bonne fête. Merveux. Pareillement, je vais venir chez toi. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne sais pas si toi aussi tu as amené un cadeau pour un frère, pour une soeur. Tu vas le faire. Alors, j'invite la chorale. Ok, la chanson là que j'ai demandé, dans ma détresse j'ai crié à l'Éternel, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'avais demandé aussi, là ce n'est pas prêt, hein. C'est pas prêt. Ah, grâce là, tu as raté, hein. Ok, continue à travailler. C'est un garçon vraiment, tu me fais beaucoup de bien. On doit prier pour lui, grâce, Marc, l'équipe là des instrumentistes, les encourager. Oui, Maman Gloria, prenez le micro. Alors, je commence avec les pasteurs. Aidez-moi, j'ai prévu quelque chose pour les pasteurs. Ça, c'est moi. Je vais donner aux pasteurs avec qui je travaille. Amenez-moi les six directement. On gagne le temps. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'a mis à cœur de faire cela. Je le fais rapidement. Rapidement, rapidement. Patricia, commence le pasteur Abdon. Oui. Donnez, dès que vous avez pris. Le pasteur. Donnez au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Donnez aussi au frère José pour faire le travail. Pasteur Mouema, Anenda Pikujambelo. Ah. Donnez à maman. Il n'y a pas de souci. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, je parlais à mon papa. Il n'est pas resté indifférent. À ma requête. Pardonné le dos, comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, oh, merci. Il m'a tendu la main. Mais toi, tu n'étais que tout bon. Il m'a vu. J'ai essayé de procéder aussi par église. Je peux me tromper, mais j'essaie de voir tout le monde, tous mes enfants. Et dans chaque église, maman pasteur va m'aider. À l'église de Kamatanda. Dieu m'a mis à cœur quelques personnes. Papa Louawa. Papa Louawa, Kamatanda. Papa Louawa. Papa Louawa. Donnez à Papa Louawa. Maman pasteur va lui donner. Il est là. Dieu m'a mis à cœur aussi. Papa Bahati. Je l'aime beaucoup. Papa Bahati. Papa Bahati. Maman, elle pouvait donner à Papa Bahati. Maman Philomène Tchala. Maman Philomène. Donnez à Maman Tchala. Maman Safi, je ne la vois pas. Elle est en lunettes. Maman, ah, Safi. Où sont les lunettes, Maman Safi? Voilà les personnes. Maman, parce que restez toujours là, vous allez m'aider. Kampumpi. Kampumpi. Meshak. Meshak. Frère Meshak. Doukou Meshak. Ah oui. Que Dieu te bénisse. Je l'ai vu hier, j'aime ce frère, il fait un travail, continue. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse. Maman Sophie, Kampompe. Maman Sophie. Vous savez que j'essaie de voir les gens. Hein? On peut l'encourager, on peut l'encourager. Ça montre que nous sommes une famille. Idéalement, je pouvais le faire pour tout le monde. Idéalement. Mais nous sommes une famille. Selon que Dieu peut. Alors, nous faisons cela. Ici, à l'église Source Féconde, j'ai toujours beaucoup d'équations. Vous savez, il y a mathématiques avec la Kengouf. Dieu n'est pas là. Alors, ancien Mombété. Ancien Mombété. Pamphile. Voilà la la la la. Voilà la la la la la la la. Il est à la prière matinale, il est toujours là. On vient soubouiller quoi pour. C'est. Que Dieu vous bénisse, Mouzé. Mungwa mi bariki. Continuez, continuez. David Tchinko. J'aime ce garçon. J'aime ce frère. Oh, vous savez, en tout cas, ce frère, je l'aime. Vous savez, ce sont des enfants tels que David. David. David. David. J'ai mon téléphone ici, je lui, quand vous m'avez prendre le téléphone, parce que je cherche David. Il sait lui-même, il vient, mais David, le son là, là, il est là à la technique, il est là, il est à l'écotime, il est là, il est partout. Et demain que Dieu lui a donné une bonne femme, on bénit le Seigneur. Alléluia. Toyota. Toyota. Sephora. Elle est où cette fille? Où est Sephora? Sephora. Ah, Sephora, elle est. Faut l'encourager. Voilà la la la la. Elle est restée égale à elle-même. Que Dieu te bénisse. Annick, Arix, c'est Arix, c'est Annick. Arnick. Viens, viens, viens. Viens. Oh, que Dieu te bénisse. Des gens. Quand je disais au pasteur, je donne à Sephora. Il dit, apana papa, monsieur Julianin. Asa papa, t'as mon toto yango. C'est, mi jo mi na mono, t'as mon toto yango. Non, c'est vraiment, je l'encourage. J'essaie de lire parce que mon protocole parfois me fait des choses. Il ne m'a pas mis joli site. Mais heureusement que je connais. Je n'ai pas joli site sur les papiers ici. Mais heureusement que je connais les gens que j'ai choisis pour joli site. Emma. Viens. Non, mais c'est un garçon qu'il faut encadrer, hein, encourager. Alléluia. Est-ce qu'on peut, on peut l'encourager? On peut l'encourager. L'autre, c'est qui? J'ai oublié le nom. Sephora aussi, des jolies. Sephora. Elle est où? Sephora. Elle est où Sephora? C'est ma protocole là-bas. Elle est protocole, hein? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Ok. Sa soeur, c'est qui? Hein? Eh, maman Samela, c'est la maman de Sephora. Maman Samela. Elle est où? Sa maman est où? Sa grande sœur. Sa grande sœur est où? Ok, donnez à papa José. Il va garder pour Sephora. Maintenant, il y a quelques mamans que j'ai choisies comme ça. Je vois leur engagement et je vais continuer à prier le Seigneur pour elles. Maman Matteo, est-ce qu'elle est là? Maman Matteo est où quoi? Maman Matteo. Et quoi moi? Léo Michigomon. Ok, maman présidente, maman Miki, venez prendre pour maman Matteo. Il y a maman Véro. Maman Véro. Maman Véro. Maman Miki, prenez pour maman Matteo. Prenez pour maman Véro. Aussi. Maman Esther, elle, je l'ai vue. Maman Esther. Et quoi? Ni mon maman Esther. Donnez à maman Esther. Aidez-la à marcher. Oui, aidez maman Esther à marcher. Est-ce qu'on peut l'encourager? L'encourager. Ami Pouka aussi, j'ai vu une maman. Maman Nathalie. Elle est là. Maman Nathalie. Maman Nathalie Didier. Oui, voilà, il faut encourager cette maman. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai vu. Alors, si vous avez un cadeau aussi, vous pouvez vous lever et aller donner à la personne. J'avais dit donner des cadeaux. Comme ça, je vous regarde, je regarde ceux qui peuvent donner des cadeaux. Alors, maman Gloria, santé. Allez-y maintenant. Voilà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mon âme de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh merci maman Nicole, que Dieu vous bénisse. Tu es tellement bon. Ah merci, à bon. Merci maman. Merci maman Elise. Merci Eric. Tu es le repos de mon âme. Mon âme de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur, donne-moi le nom, vous le donnez avec les noms des personnes. Les noms, Patricia et Jemima. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok, allez-y, allez-y, allez-y. Que Dieu te bénisse. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras le feu de la mort. Souviens-toi de moi. Allez-y, allez-y, frère Marcel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes enfants. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon service. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de la chorale. Souviens-toi de moi. Mika. Est-ce qu'on peut s'élever? On va chanter. On peut s'élever. Est-ce qu'on peut chanter? On peut s'élever. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras les cellules. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras le fleuve de la mort. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Pika mikona pikele kele bonne année. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de cette année. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de nos efforts. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de nos offrandes. Souviens-toi de moi. Pika mikono, pika mikono, pikele. Lola! Si. Est-ce que tu peux le faire? Fais-le bien! Fais-le bien! Ah! Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Les cris de joie! Si. Oh, Itamwimbi, Abwana wangu. Itamwimbi, Abwana wangu. Itamwimbia Bwana wangu. Itamwimbia Bwana wangu sifa. Oh, itamwimbia Bwana wangu. Itamwimbia Bwana wangu sifa. Oh, asante. Asante sana Bwana kwa wema wako. Haleluya. Sana Bwana kwa wema wako. Aleluya, aleluya. Shangwe, shangwe, shangwe, shangwe. Hosana kubinguni. Oh, Bwana wangu na kushangilia. Shangilia, wewe ndiwe Mungu wangu, sifa kwako. Imba Bwana wangu, Bwana wangu, nakushangilia. Wewe ndiwe Mungu wangu, sifa kwako. Asante, asante sana Bwana kwa wema wako. Haleluya, haleluya. Shangwe, shangwe.

Andosawa. Andosawa. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Ah ah. Andosawa. Andosawa. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena. One, two, three, four. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. Mina pena mokosi, mina pena mokosi, mina pena mokosi. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Mon Dieu est bon. Cette fois-ci, nous allons danser avec papa. Papa va nous bénir à travers la danse. Talandenge tokoma. La danse de janvier, la danse de janvier. Tiki-ti. Wapi papa, wapi papa. Ah, kota. Ah, ah, ah, kota. Bonane. Wapi papa desu. Kota. Ah, shukachi, shukachi. Ah, kota. Ah, wapi papa. Alleluia. Ah, kota. Hey. Salande geto koma, papa to koma, suganda to koma, mama evuga to koma, oko sale lanzambe za esengo boniga, o sale lanzambe za esengo boniga. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ok, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais vous bénir. Ésaïe 59, versets 5 à 6. Je vais prier pour vous. On peut se tenir debout. L'année vient de commencer. N'oublions pas les rendez-vous de demain, 17h et de dimanche. Ésaïe 59. Non, Ésaïe 9 plutôt. C'est Ésaïe 9. 9. C'est ma prière pour toi aujourd'hui pour cette année 2026. Verset 5. 5 à 6. Nous lisons les deux versets 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Verset 6. donné à l'empire de l'accroissement. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermer et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Père, je prie aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, tu nous as donné Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Il est admirable qu'il soit notre conseiller en cette année 2026, qu'il donne de l'accroissement, qu'il donne de la paix, qu'il donne une paix sans fin, qu'il affermisse le trône, qu'il affermisse le royaume de Dieu, qu'il affermisse la vie de Dieu dans les familles de la source, dans nos familles et dans nos maisons. Merci Père. C'est ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi je bénis ce peuple. Recevez la paix de Dieu. Recevez la justice de Dieu. Recevez l'accroissement dans vos vies. Recevez la bénédiction financière. Recevez la bonne santé. Que les malades soient guéris ce matin. Que ce qui était bloqué s'ouvre. Que la paix de Dieu soit votre partage. La grâce de Dieu va vous accompagner cette année. La connaissance de Dieu te fera vivre au-dessus de tes semblables. La connaissance de Dieu te donnera un autre standard dans la vie. La connaissance de Dieu te fera vivre les bénéfices de l'alliance. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Bénis chacun de tes enfants. Que ta grâce les accompagne jusque dans leur maison. Je bénis la nourriture qu'ils vont prendre. Je bénis l'eau et la boisson. Je bénis tous les visiteurs. Veille sur tes enfants. Je refuse la mort cette année. Nous nous retrouverons tous en 2027 pour élever le nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de nouvel an. Saluons-nous, salue quelques personnes. Souhaite les vœux à quelques personnes. Et bonne fête.